Chers auditeurs, bonjour. Vincent, au micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette cinquième émission, nous avons le plaisir de recevoir Pierre de Brague. Pierre, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Xavier, c'est un honneur d'être à vos côtés pour cette émission de l'heure la plus sombre qu'on va essayer d'égayer un petit peu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Pierre, vous êtes où tu es, je peux te tutoyer ? Tutoie-moi Vincent. Pierre, tu es un militant d'égalité et réconciliation, tu fais des vidéos de présentation d'ouvrages intitulés « Mon livre sur la commode » qu'on peut voir sur le site d'égalité et réconciliation. Tu es apparu en conférence notamment aux côtés d'Alain Soral et de Marion Sigaud. Et tu as publié les cahiers du Cercle Proudhon chez les éditions Contre-Culture. Cercle Proudhon, qu'on présente souvent comme l'ancêtre d'égalité et réconciliation, et dont Alain Soral s'est revendiqué. Nous allons en parler tout de suite. Chers auditeurs, comme chaque semaine, je suis accompagné de mon acolyte Xavier. Xavier, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Pierre, bonjour à tous. Alors Xavier, comme moi, tu as lu l'ouvrage publié par Pierre de Brague, n'est-ce pas ? Oui, un ouvrage de qualité. Alors précisons tout de suite à nos auditeurs qu'il s'agit d'une réédition des cahiers du Cercle Proudhon, eux-mêmes édités pour la première fois entre 1911 et 1914, et auxquels les éditions Contre-Culture ont adjoint le mémoire de Pierre de Brague intitulé « Le Cercle Proudhon ou l'existence d'une révolution conservatrice française ». Alors Pierre, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Le Cercle Proudhon, c'est quoi ? Écoutez, je vais être obligé de faire une petite définition succincte et historiographique pour poser les bases du Cercle Proudhon. Et après, on essaiera de relier ça peut-être avec des thématiques plus globales. Donc le Cercle Proudhon, c'est un groupe de réflexion qui s'est effectivement déroulé de 1911 à 1914, qui alliait dans une tentative de subversion du système démocratique en place à l'époque, et malheureusement encore aujourd'hui, qui alliait des monarchistes syndicalistes se revendiquant, des monarchistes catholiques se revendiquant de l'Action française et de Charles Maurras, et des syndicalistes révolutionnaires se revendiquant de Georges Sorel. Tout ça sous l'égide de Pierre-Joseph Proudhon, qui est, si vous voulez, la figure tutélaire. Et je pense que là, on a déjà tout un tas de problématiques qui en découlent, puisque comment conjoindre Pierre-Joseph Proudhon, Charles Maurras et Georges Sorel dans une même tentative, dans une même expérience politique, dans une même philosophie. Alors, le Cercle Proudhon a une existence extrêmement succincte, donc entre novembre 1911 et l'été 1914. Cette expérience prend fin avec le début de la Première Guerre mondiale. Joseph Proudhon est un penseur... Pierre-Joseph Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon, oui, est un penseur du 19e siècle, décédé en 1864, il me semble. Comment ce cercle en est-il arrivé à prendre le nom de Pierre-Joseph Proudhon alors qu'il s'agit d'un cercle lancé par des nationalistes ? Alors, c'est-à-dire que historiquement parlant, effectivement, c'est lancé, si vous voulez, en termes de structure, par des nationalistes. Mais il faut préciser que c'est d'abord des nationalistes atypiques. D'accord, c'est-à-dire que l'instigateur principal du Cercle Proudhon, c'est Georges Valois, qui est une figure très connue de la politique française et de l'histoire des idées françaises, de manière malheureusement un peu obscure et déplacée à son égard, mais on y reviendra, on va pas rentrer dans ces détails tout de suite. Donc effectivement, l'instigateur principal vient de l'Action française, donc c'est Georges Valois, mais il faut préciser que Georges Valois est un élément très spécial au sein de l'Action française. C'est pas un enfant de l'Action française. Un personnage atypique. Georges Valois, c'est quelqu'un qui vient à la base du syndicalisme, de l'anarchisme, et qui s'est tourné vers Maurras une fois son service militaire effectué, qui s'est trouvé qui a trouvé que la question de l'autorité, avec une majuscule, était une question prégnante, et qui, après, il faut remettre effectivement, c'est le contexte du début du XXe. L'Action française était un mouvement de plus en plus vivace. Le mouvement syndicaliste était en train c'était le marasme. Donc, il s'est tourné de Georges Valois s'est tourné effectivement à rejoindre l'Action française dans une optique, si vous voulez, pragmatique. Voilà. Georges Valois qui a un parcours complètement atypique puisque le duc de Guise le chargera de former idéologiquement son fils, donc le comte de Paris, décédé en 1999. Georges Valois, à la veille de la guerre, tentera de rejoindre la SFIO, s'engagera dans la résistance et décédera en 1945 à, à Bergen-Belsen. Exact. Alors, pour finir vraiment sur Georges Valois, parce que c'est pas le sujet principal, mais c'est très révélateur, puisque c'est un homme qui, finalement, malgré des incohérences ou des trajectoires sinueuses et qui servent au système pour le décrédibiliser, c'est un homme qui, finalement, et comme on peut faire des parallèles avec Égalité et Réconciliation, avec Soral, avec tout un tas de gens, c'est un homme qui est resté fidèle, finalement, à son combat. Et son combat, c'est, moi je le cite souvent, c'est le combat de l'homme contre l'argent. L'homme avec une majuscule. Et c'est quelqu'un qui a essayé de combattre et d'activer ces questions partout où il a pu. Donc effectivement, il a commencé syndicaliste, il s'est tourné vers l'Action française, il en est parti avec perte et fracas, bon bref, c'est des histoires qui appartiennent à l'Action française. Il est redevenu syndicaliste, après être passé par Le Faisceau, qui était une expérience fasciste française, la seule et unique et microscopique expérience et authentique expérience fasciste en France. Donc là, on peut revenir aussi sur ces thématiques, puisque le cercle Proudhon a été assimilé à une expérience fasciste française. Et moi, je prétends que le fascisme français n'existe pas, sauf dans cette parenthèse qui a été la tentative du Faisceau, où Valois s'est revendiqué effectivement de Mussolini. Donc effectivement, ça brouille les cartes pour les gens pas sérieux, et les gens, on sait très bien que les ennemis sérieux se servent de ces soi-disant apparentes absurdités. Mais pour finir sur Georges Valois, après effectivement, il finira en antifasciste. Hein. C'est-à-dire qu'on en fait le parangon et le fasciste numéro un de l'histoire de France. Il finira déporté et il meurt dans les camps en 1945. Juste pour finir, donc c'est-à-dire que sa trajectoire est cohérente. Sa trajectoire est cohérente de la même manière que la trajectoire de Soral, par exemple, est cohérente. Il a tenté de faire quelque chose au Front National, comme avant il avait tenté au Parti communiste, comme de la même manière qu'il tente de faire quelque chose avec Égalité et Réconciliation. Et dans ce... Juste pour terminer, excuse-moi de te couper, il faut admettre que nos ennemis font exactement pareil. Ils passent d'abord chez les trotskistes, et puis ils finissent néo-conservateurs. Et finalement, ils ont toujours la même ligne directrice. Oui, donc dans nos ennemis, vous avez fait référence notamment à ceux qui ont assimilé le cercle Proudhon à la matrice du national-socialisme. Vous faites référence à l'historien israélien Zev Sternel, dont les travaux ont été largement repris dans l'idéologie française de Bernard-Henri Lévy. Oui, je peux dire deux mots là-dessus. Effectivement, le cercle Proudhon était plus ou moins tombé dans l'oubli. Et il a été exhumé de manière malheureuse, voire perverse et pernicieuse, par Zev Sternel, qui est un politologue et historien israélien, je précise, qui a pris toute la place en termes de recherche universitaire sur ce qu'il appelle les droites révolutionnaires. Et c'est devenu, dans une optique, enfin, moi j'appelle ça dans une dialectique globale, puisqu'avant il y avait René Raymond qui occupait cette place, si vous voulez, sur de spécialistes des droites françaises. Et puisque la métastructure a évolué, qu'on est passé de l'époque de Gaulle à Mitterrand et compagnie, c'est Zev Sternel qui a pris de plus en plus de place là-dessus. Et la vision de Zev Sternel, c'est effectivement de dire que le cercle Proudhon est une expérience pré-fasciste. Hein, et ce que vulgarisera et développera effectivement Bernard-Henri Lévy dans l'idéologie française, en ontologisant l'esprit français, en le classifiant authentiquement et fondamentalement et foncièrement fasciste, voire même nazi pour Bernard-Henri Lévy, qui ne se refuse rien. Oui, Xavier. Alors, comment expliquez-vous que Pierre-Joseph Proudhon, dont la plupart des gens connaissent cette phrase célèbre « La propriété, c'est le vol », donc qui est le penseur du syndicalisme révolutionnaire, a été repris justement par ces nationalistes et que finalement ils soient relativement tombés dans l'oubli du côté de la gauche et de l'extrême gauche. Ouais, alors effectivement, c'est vrai qu'a priori, c'est très difficile de classifier un groupe, donc un groupe de réflexion qui se revendique de Proudhon d'en faire le laboratoire du fascisme. C'est pour les gens qui ont un minimum de culture, ça paraît vraiment très compliqué. C'est ce que font effectivement Zev Sternel et Bernard-Henri Lévy. Je précise, donc, dans une entreprise de destruction de la véritable nature, enfin moi ce que j'appelle une entreprise de destruction de la véritable nature politique de l'esprit français, c'est-à-dire de décrédibiliser toutes les authentiques alternatives au système bourgeois libéral, et sur le simple fait, sur le simple critère obsessionnel d'une certaine forme d'antisémitisme, qui était une thématique qui s'articulait avec avec d'autres, voilà, pour pas rentrer dans les détails. Enfin, je pense que c'était surtout une thématique socio-économique. Et les gens, nos ennemis, entre guillemets, appuient sur ces questions-là en se focalisant, en déformant, en extrapolant. Et c'est quelque chose d'assez totalitaire, parce que finalement, pour eux, Proudhon est donc un pré-fasciste, Proudhon est un ignoble monstre antisémite, de la même manière qu'il y a un amalgame avec Barrès. Enfin, c'est un mélange, c'est un fatras pas possible. Et finalement, tout ce qui est plus ou moins français et plus ou moins radical, pour eux, est quelque chose d'anti-lumière, voire d'antisémite, voire... Enfin bon, bref, pour moi, on n'est pas dans le sérieux historique et politique et même philosophique. Pour finir donc sur Proudhon, effectivement revendiqué par les nationalistes, parce que les monarchistes et les syndicalistes révolutionnaires se trouvaient des points d'accord au travers de la figure de Proudhon, parce que la figure de Proudhon n'est pas une figure... simple et qu'on peut réduire à l'image officielle qu'on en a aujourd'hui, de dire que c'est un libertaire, soi-disant, et un anarchiste inspiré de la Révolution française, des Lumières et tout ça. Eux, le Cercle Proudhon, ont fait une exégèse très profonde de l'œuvre de Proudhon, de la pensée proudhonienne, de l'esprit proudhonien, et c'est là que c'est très intéressant. Et il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas d'antagonisme avec finalement ce qui compose foncièrement, à mon sens, et ce qui anime les syndicalistes et aussi les nationalistes à cette époque-là. Alors, Jean-Claude Michéa a défini justement le terme de gauche comme né au moment de l'affaire Dreyfus, comme étant une alliance contre nature entre les Dreyfusards liés à une certaine droite d'argent et le mouvement syndical. Donc il dit que c'est à ce moment-là que naît le terme de gauche et non pas au moment de la Révolution française. Est-ce que vous diriez que le Cercle Proudhon, de manière paradoxale, est une anti-gauche ou une gauche alternative ou une gauche authentique ? Moi, je dirais plus que c'est une gauche authentique, mais après, je comprends ce que dit Michéa. Le problème sur la droite et la gauche, c'est que ça dépend où on met le ratio, en fait. Pour moi, il y a deux manières d'expliquer le ratio droite-gauche. C'est soit on se base sur le rapport capital-travail. Effectivement, quand on défend le travail contre le capital, on est de gauche. Voilà, c'est simple, c'est efficace, il faut remettre ses bases. Ou soit on se base sur le critère issu de la Révolution de 1789, qui est plus un critère philosophique. Donc c'est de ça dont parle Michéa. Donc lui, effectivement, il pense que ça a été transformé, voire exacerbé pendant l'affaire Dreyfus. Et donc c'est le rapport droite-gauche se situe réaction-progressisme, en fait. Voilà. Donc c'est soit le socio-économique, soit le philosophique. Et c'est là dont, pour ceux qui s'intéressent à la question du libéralisme, on parle toujours du libéralisme économique ou du libéralisme philosophique. Est-ce que c'est dissocié ? Mmh. Est-ce que finalement c'est les deux faces de la même chose ? Voilà, c'est des questions intéressantes. Donc moi je considère que le Cercle Proudhon est un mouvement authentiquement progressiste. Donc, de ce point de vue-là, un mouvement authentiquement de gauche. Je considère que c'est un mouvement authentiquement de gauche aussi dans le rapport capital-travail. Mais ça dépend ce qu'on entend aussi par libéralisme, par exemple, par défense par le rapport... En fait, c'est une articulation pour moi entre le rapport socio-économique et la vision du monde philosophique. On ne peut pas les dissocier. Or, tout le monde moderne ne fait que dissocier, découper, morceler... Pour son plus grand profit, évidemment. Et Pierre ? Oui, Vincent. Quel est le modèle de société promu par le Cercle Proudhon ? Ça, c'est une question très intéressante. C'est vrai qu'on passe par-dessus les sujets très rapidement. Le Cercle Proudhon, pour parler concrètement, prônait sur le modèle de la théorie des antagonismes de Proudhon. Mmh. Donc la théorie des antagonismes de Proudhon, pour vous la présenter très brièvement, c'est de considérer que c'est de la libre opposition de deux absolus, donc deux absolus a priori, enfin de deux absolus opposés, que jaillit l'équilibre et la justice. Parce que ce qui est au cœur de la philosophie de Proudhon, c'est la justice, avec une majuscule, la justice et la liberté. Voilà. Et pour lui, la vie, parce qu'on est vraiment dans une conception vitaliste chez Proudhon, je pense, et c'est là que les parallèles avec Bergson, avec certaines philosophies sont très intéressantes, repris par Berthe et par Sorel. Il y a vraiment un clivage Et si vous voulez, je vais essayer de prendre un tout petit peu, enfin, de pas rentrer trop dans les détails, mais pour moi, le cercle Proudhon, c'est vraiment la représentation du clivage fondamental entre l'esprit des peuples, l'esprit français pour le coup, parce que c'est vraiment une expérience française, et ce que j'appelle moi l'esprit bourgeois, qu'on peut appeler, pour multiplier les qualificatifs, qu'on peut appeler l'esprit bourgeois, libéral, plutocrate, matérialiste, judéo-protestant pour ceux qui veulent pousser ces questions. Et pour moi, il y a vraiment une guerre finalement entre l'esprit français, voilà, je vais le dire, et l'esprit bourgeois, qui est quelque chose d'anti-français. Et je vais même aller plus loin, je dirais que c'est une guerre entre une certaine vision du monde vivante, voilà, j'appuie sur le mot de la vitalité, encore une fois avec une majuscule, et un monde, je pense, quand on pousse très loin la réflexion, que ce soit au niveau philosophique ou même eschatologique, un monde qui est anti-humain. Voilà. Ça, c'est pour aller très très loin dans le... Mais pour rester dans le concret quand même, parce que je veux pas être dans l'abstraction. D'accord. Et excuse-moi, j'ai pas fini. Donc, juste pour la théorie des antagonistes chez Proudhon, donc deux absolus qui s'opposent et deux absolus qu'on transpose effectivement au niveau politique. Et le cercle Proudhon, c'est ce qu'ils font. Donc, pour te citer un exemple, ils prônent un équilibre. L'équilibre, c'est une notion extrêmement importante chez Proudhon. Un équilibre entre l'autorité, par exemple, qui serait incarnée effectivement par le roi, par une institution, voilà, forte. En fait, eux, ils parlent d'un État fort. Et comme ce sont des militants de l'Action française, comme on peut se référer à la théorie de la France de Maurras et se demander si est-ce que l'institution monarchique est peut-être pas finalement le destin de la France. C'était leur question à ce moment-là. Il faudrait un équilibre entre un État fort et une société civile forte. Ce qui vous voulez entre le politique fort et l'économique fort, parce que quand ils entendent société civile, c'est sur le modèle des syndicalistes révolutionnaires, c'est une société de producteurs. Et c'est quelque chose d'assez libéral, en fait. C'est pour ça que moi je dis, quand je veux faire de l'ironie et de la dialectique, c'est que je dis Proudhon est finalement un libéral. On en fait un anarchiste, et finalement quelqu'un qui prône l'organisation par le libéralisme, l'authentique libéralisme, pour la société civile indépendante, voilà, qui prône l'indépendance. Et il faudrait deux pôles absolus indépendants qui s'opposent, mais qui se repoussent mutuellement. C'est-à-dire que la société civile authentiquement forte et libérale et indépendante repousse les assauts, les empiètements que pourrait faire l'État sur elle, et inversement, l'État repousse les pressions que peut exercer l'économique sur elle. Et je vais faire remarquer, et là c'est très très intéressant pour nous, que c'est ce qu'on nous vend en permanence dans notre période. On nous fait croire, en fait c'est l'antithèse de ce qu'on est actuellement, mais par contre on nous vend ce système, on nous vend ce modèle, parce qu'on nous fait croire qu'on est dans un pays, bon, je vais parler clairement, qu'en France on est dans une société libérale sur le plan de vue économique, soi-disant. Or, l'influence de l'État n'a jamais été aussi forte. On connaît très bien la situation des petits patrons. Et on n'a qu'à parler des PV, des taxes, du RSI, de tout ce qu'on veut. Donc c'est un empiètement, une ingérence, et on peut le dire, moi j'appelle ça de la vampirisation de l'État sur la société économique qui n'est pas du tout libérale. Voilà. Or, en plus, c'est même plus l'État maintenant, c'est une superstructure, donc c'est l'Union européenne. Donc on a un méta-État, un super-État, qui empiète sur la société civile, et en plus l'État au niveau politique, et l'État au niveau politique qui lui est soumis aux pressions qu'exerce la société civile, mais au niveau communautaire, donc on appelle ça les lobbies. Donc la réalité d'aujourd'hui, c'est un État qui ne nous protège pas, nous citoyens, de la pression des lobbies, des groupes, voire de l'influent, et après on peut même parler au niveau militaire et tout, parce qu'on est, nous, par rapport à l'OTAN, enfin, bref, l'État ne nous protège pas au niveau politique, guerrier, diplomatique, et est soumis à toutes enfin, c'est la soumission intégrale, et en plus, l'État empiète sur notre société, sur notre activité économique, donc c'est le mensonge. Par contre, on nous vend ce modèle, soi-disant on est libéral, et soi-disant l'État nous protège. Donc le cercle Proudhon, finalement, et là c'est une dialectique complète et finalement totale et véritable, le cercle Proudhon prône un authentique équilibre entre l'État et la société économique. Et ce que, donc, je reprécise encore une fois, c'est ce que nous vend le système en permanence. Voilà. D'accord. Et juste pour finir, si le système le fait, c'est qu'il y a une réalité. Parce que le système ne fait qu'en permanence, le système manipule, utilise, la véritable nature des peuples, mais il la détourne en permanence, il joue avec. Pierre, dans ton livre, tu parles, à un moment donné, il y a un mot qui ressort, c'est celui donc de monarchie ouvrière, pour qualifier un peu le projet du Cercle Proudhon. La classe ouvrière tient une place centrale pour le Cercle Proudhon. Tu dis, page 90, que c'est elle qui doit réaliser la liaison des idéaux révolutionnaires et des idéaux nationaux. Alors, n'y a-t-il pas une contradiction quand on sait qu'en réalité, dans le Cercle Proudhon, il n'y avait que deux syndicalistes sur la dizaine d'intellectuels qui composaient ce groupe ? Bah, effectivement, il y avait que deux syndicalistes, mais bon, ils étaient 8 fondateurs, 5 monarchistes, 5 personnes de l'Action française, mais je reprécise encore une fois les éléments les plus intéressés par les questions économiques et sociales au sein de l'Action française. Or, c'était donc des personnes atypiques, parce que l'Action française, malgré qu'il y a une... La question sociale est présente à l'Action française, mais c'était pas vraiment ce qui... Maurras l'a reconnu d'ailleurs. Maurras a reconnu qu'il avait beaucoup de carences à ce niveau-là. Donc des personnages atypiques et deux syndicalistes révolutionnaires et même un, donc le 8e larron, qui était plutôt républicain à la base. Et puis qui après s'est laissé convaincre. Bon, je pense que c'était la personne la moins stable. Donc Georges Sorel et Édouard Berthe sont disciples. Non, Georges Sorel n'a pas fait partie du Cercle Proudhon, puisque les maîtres à penser du Cercle Proudhon, donc à savoir Maurras et Sorel, ne font pas partie du Cercle Proudhon. Ils ont assisté, ils ont regardé ça avec bienveillance, ils ont un peu accompagné, ils ont apporté des critiques, ils ont envoyé leur poulain, à savoir Georges Valois pour Maurras et Édouard Berthe, qui est un syndicaliste révolutionnaire de premier plan, dont on a réédité des œuvres chez Contre-Culture. Et c'est très très important, à mon sens, de lire ces personnes-là. Donc les maîtres à penser n'ont pas participé, sont plutôt leurs meilleurs élèves, si vous voulez, qui font partie du Cercle Proudhon. Repose-moi ta question. Ma question, c'était, en réalité, c'était un groupe d'intellectuels plutôt donc monarchistes, nationalistes. Et en réalité, très peu... Moi, ma réponse, c'est que formellement, effectivement, c'était peut-être... Il y avait plus de monarchistes, les structures étaient prêtées par Maurras pour le début, effectivement. Voilà, les moyens, si vous voulez, l'apport, que ce soit concret, matériel, venaient plutôt de l'Action française. Mais pour moi, à mon sens, dans le fond, il y a clairement un équilibre. J'ai pas l'impression que les idéaux monarchistes empiètent sur les idéaux syndicalistes, pas du tout. Je pense vraiment, il y a vraiment un équilibre. Et cet équilibre qui nous apparaît peut-être miraculeux ou incroyable, comment ça se fait, c'est quelque chose d'assez simple et c'est quelque chose d'assez naturel quand on connaît et qu'on comprend ce qu'incarnait véritablement Proudhon. C'est là que la figure de Proudhon et sa pensée, son esprit proudhonien, permet finalement cette cohérence globale. Et c'est quelque chose d'assez naturel. Et moi, ce que je prétends, c'est que l'esprit proudhonien, c'est ce que prétend le Cercle Proudhon aussi, c'est l'esprit de la France, en vérité. Voilà. L'esprit politique de la France. Et je prétends que le Cercle Proudhon est une des meilleures formulations politiques de cet esprit français. Et je prétends même que Égalité et Réconciliation voilà. Est dans la digne succession, la digne ligne de ces mouvements. D'accord, alors justement, parlons un peu d'Égalité et Réconciliation. Donc, dans la postface de ton livre, tu fais un parallèle direct, en fait, entre le Cercle Proudhon et Égalité et Réconciliation. À ton avis, quels sont les points de concordance et finalement, quelle est justement la continuité de l'esprit français qu'on retrouve dans Égalité et Réconciliation, selon toi ? Si tu veux, pour moi, l'esprit français est vivace, est vivant. Il se manifeste selon les rapports de force en place. Sous des formes différentes. Voilà. Donc pour moi, il s'est manifesté à l'époque dans le Cercle Proudhon, comme il a pu se manifester dans les années 30, peut-être dans ce qu'on appelle les mouvements non-conformistes des années 30, comme il a pu se manifester chez Pétain, parce que quand on pense à la Révolution nationale, c'est quelque chose d'assez proche, comme il a pu se manifester avec De Gaulle, parce que quand on pense au CNR, c'est quelque chose d'assez proche aussi, comme il a pu se manifester chez les expériences rouge-brun ou les trucs comme ça. Donc, et comme il se manifeste actuellement chez Égalité et Réconciliation, parce que Égalité et Réconciliation, on n'est pas un Cercle Proudhon bis, hein, je le dis, on est un Cercle Proudhon des années 2015, voilà, enfin des années 2000, on est Cercle Proudhon 2000. 2.0. On est Cercle Proudhon 2.0 s'il faut. Ah, alors chers auditeurs, on a un invité surprise. On accueille un invité surprise, Alain Soral. Je vous en prie, installez-vous, bonjour. Bonjour. Installez-vous, il y a un casque. Pour le président. On était en train de parler du Cercle Proudhon. Ah oui, j'en ai entendu parler aussi. C'est pas un certain Pierre de Brague qui... Les spécialistes de la question. Bah, juste pour résumer, je disais que égalité et réconciliation étaient dans la, à mon sens, dans la droite ligne du cercle Proudhon, puisque ce qui comptait, c'était l'esprit français, et je pense que égalité et réconciliation incarne véritablement l'esprit français dans les années 2000, comme le cercle Proudhon l'a incarné à l'époque, comme peut-être d'autres mouvements à travers les âges, qui de toute façon c'est lié au, au contexte forcément. J'agrée. Il a double. Alors Alain Soral, bonjour. On a donc on est sur RFM aujourd'hui, mais bienvenue dans cette émission, l'heure la plus sombre. Bravo à vous pour arriver à faire vivre cette émission chaque semaine. C'était mon souhait depuis longtemps que on occupe un peu plus le comment dirais-je l'espace internet avec de la radio, peut-être même un jour avec de la télé. Et là, je vois que c'est bien parti. J'ai écouté les premières, là, ça, il y a de la qualité. On évite le style Canal Plus Skyrock, c'est déjà pas mal. On est un peu plus proche de Radio Courtoisie jeune. D'accord, bah merci beaucoup. Jeudi 24, jeudi dernier, en une seule journée, vous êtes passé devant le juge d'instruction et en cour d'appel. L'audience avec le juge d'instruction, c'était pour la fichette pornographie mémorielle. Qu'est-ce que la justice vous reproche exactement ? Bonne question. Je pense que la justice, en fait, ne me reproche rien. La justice exécute les ordres du politique qui est dorénavant de me châtier systématiquement par tous les moyens pour insoumission généralisée. Donc, une fois de plus, c'est une plainte qui émane de la LICRA pour une affichette qui était déjà dans l'almanach 2013, je crois, qu'on avait publié chez Contre-Culture. Donc normalement ça devrait être prescrit, mais c'est même pas la question. Hein. C'est moi qui suis envoyé au tribunal alors que je suis pas l'auteur de ce dessin, parce que c'est un dessin sarcastique. Hein. C'est un dessin, c'est Charlie quoi. C'est dans l'esprit Charlie. Je ne suis pas l'auteur, je suis même pas le directeur de la publication du site qui relaie, mais c'est moi qui suis envoyé chez le juge d'instruction, qui effectivement me signifie que je vais être poursuivi et donc qu'il y aura procès. Alors loin de moi l'idée de me défausser. Hein. J'assume tout à fait. Le fait d'être, j'assume d'être lié au site qui publie fièrement ce qui au départ est un dessin sarcastique, un dessin humoristique, hein, il n'y a pas de problème. Alors il faut savoir que pour ça, je suis accusé d'injures envers un particulier, ce qui est assez étrange, incitation à la haine raciale et même négation de crimes contre l'humanité. Pour ceux qui verraient un rapport, alors qu'en fait, on n'en fait que pointer du doigt. Enfin, moi, Hugo et tous les gens qui en ont un peu marre de cette religion de la Shoah qui ne dit pas son nom, mais qui s'impose à nous chaque jour un peu plus brutalement, et ce qui est un obscurantisme. Hein, en fait, on est dans un message qui se rapproche plutôt du message de Finkelstein sur l'industrie de l'Holocauste ou de la question du show à business, sachant que l'expression pornographie mémorielle et l'expression provient d'une journaliste ou non d'une écrivain israélienne de gauche. Hein, voilà. Mais donc je vais encore me retrouver pour la 17e fois, je crois, au tribunal. Et à part le procès Berger, où là c'est plutôt le lobby tapette, à la demande du lobby judéo-sioniste, du tout-puissant lobby judéo-sioniste français, puisque c'est la LICRA qui porte plainte. Donc voilà, injure envers une personne. Maintenant on sait que la LICRA est une personne. D'après Otto Weininger, ça serait même une femme. D'accord, je crois savoir, Pierre, que ce lobby était déjà dénoncé par le cercle Proudhon. Oui, si vous voulez, on n'était pas exactement dans le même contexte d'empiètement des lobbies communautaires sur l'État et sur la République française, mais la dynamique était déjà engendrée. Après, sur la question de l'antisémitisme, parce qu'on va poser les mots, sur la question de l'antisémitisme du cercle Proudhon, la question était plutôt abordée d'un point de vue économique et social, et c'est-à-dire que dans la période actuelle, tout se confond de toute manière, donc tout s'articule. Mais à l'époque, si on accusait le cercle Proudhon d'antisémitisme, et même Proudhon, c'était pas vraiment d'un point de vue racial ou même ou théologique. Voilà, c'était plutôt... Oui, mais depuis, il y a eu la Shoah. Bien sûr. Qui a tout changé. Ouais, la révélation, d'ailleurs. Oui, enfin, il y a eu un saut épistémologique, comme on dit. Une coupure épistémologique et un saut qualitatif. Xavier ? Oui, vous avez parlé tout à l'heure du terme d'intellectuel que... Les penseurs du cercle Proudhon réfutés. D'ailleurs, Édouard Berthe a publié en 1914 Les méfaits des intellectuels. Qu'en est-il de ce terme quelque peu galvaudé ? Oui, bon, pour faire bref, c'est effectivement les syndicalistes révolutionnaires qui se posent cette question de la place des intellectuels, mais je dirais que c'est une conception, une acception beaucoup plus large, puisque ce qui est mis en cause, c'est l'intellectualisme. Et l'intellectualisme, c'est la vision du monde de la bourgeoisie, c'est la vision du monde libéral. On en avait parlé un petit peu la dernière fois en conférence à Nantes. On peut même pousser très loin, c'est la conception mathématique peut-être des choses, la question de la valeur, enfin voilà. Donc ils rejettent l'intellectualisme, et après... Il y a des parallèles qui se font par rapport à la philosophie de Bergson, que Bergson, si vous voulez, il prédispose l'instinct dans la conscience humaine, parce que c'est la question fondamentale, je pense que c'est la question de la conscience humaine. Et Bergson fait une triade, si vous voulez, entre l'instinct, l'intelligence, qui est le stade supérieur de l'évolution de la conscience humaine, avec tout ce que ça engendre en termes de civilisation aussi, et qu'on peut évidemment critiquer, d'ailleurs c'est ce qu'ils font, et l'intuition qui serait peut-être l'étape suprême. Voilà. Et ce que je veux dire, pour reprendre les thématiques de tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas finalement d'opposition de fond entre la philosophie de Maurras, de Proudhon et de Sorel sur ces questions-là, puisqu'il y a conjonction sur la question de l'action, sur la question de l'intelligence, sur la question de l'ordre, par exemple. Finalement, dans le fond, ils sont d'accord, et pour moi, ça forme un tout très cohérent qu'on peut appeler, peut-être, la philosophie politique française, ou la métaphysique française même. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment remettre en avant. Il faut qu'on se réapproprie ces questions-là, quoi. Alain Soral, vous revendiquez ce terme d'intellectuel, c'est un peu un pied de nez, c'est... Non, mais c'est-à-dire que c'est devenu... Ironique. Aujourd'hui, on a quitté ce débat sérieux sur l'intellectuel. Ça veut dire simplement quelqu'un qui fait profession de brasser des idées ou de réfléchir. Mais en fait, c'est vrai que l'acception négative de l'intellectuel, on pense tout de suite à BHL, on pense à Sartre. Ça nous fait remonter effectivement à ces espèces d'animateurs culturels du domaine politique, qui sont en général toujours dans la main des puissants économiques. C'est un peu ça l'idée on peut faire une discussion intellectuelle sur l'intellectuel, mais il suffit simplement d'en faire l'analyse sociale, c'est-à-dire sur la dérive. On voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, Michel Onfray essaye de sortir de l'ornière intellectuelle pour retrouver un petit peu l'intuition populaire, de dire il y a quelque chose qui pue, quoi. Et que aujourd'hui, le rôle de l'intellectuel, quand on le voit, on voit l'intellectuel dominant droit de l'homiste, c'est que se cacher derrière du concept ou du pseudo-concept pour nier en fait la réalité et une dérive catastrophique pour le peuple. On voit bien aujourd'hui donc que l'intellectuel est un chien de garde. Hein, ça renvoie à des slogans avant-garde, chien de garde, des slogans situ, qui n'étaient pas du tout des cons hein, en 68. Oui. Les gens intelligents de 68, c'était les situationnistes qui se foutaient complètement de la gueule déjà de toute cette extrême gauche gauchiste qui a donné tous les capots néoconservateurs et judéo-néoconservateurs actuels. Hein. Donc effectivement, quand je dis que je suis un intellectuel, c'est parce que je me soumets au vocabulaire dominant. Mais moi, je suis plutôt un populiste ou un publiciste même. Hein. Le vrai terme, c'est publiciste. Hein. À la manière du 19e siècle. Hein. Oui, oui. Et c'est vrai que j'ai toujours bien rompu avec l'esthétique de l'intellectuel. C'est ce qu'on me reproche d'ailleurs, d'être un peu vulgaire, d'être un peu brutal, de ne pas jargonner. Et pour les crétins, c'est disqualifiant, c'est-à-dire il n'y a pas l'esthétique de l'intellectuel, donc c'en est pas un. Alors qu'en réalité, je pense que je suis d'autant plus sérieux, moi, profondément sérieux, que j'essaye de ne pas, de rompre avec l'esthétique très superficielle de l'intellectuel contemporain qui consiste à faire des phrases, employer un vocabulaire choisi, et puis aussi à avoir un look de bourgeois propre, et puis n'être jamais physique, entre guillemets, c'est-à-dire la négation de tout ce qui est émotif en apparence, hein, parce qu'en réalité, derrière leur concept, il n'y a que de la manipulation émotionnelle. Mais moi, j'essaie de renouer avec cette idée de l'honneur, de la colère. La colère est fondamentale. Hein, et avec cette idée qu'on trouve d'abord et qu'on cherche ensuite. Ça rejoint Bergson. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'intuition que quelque chose ne va pas. Après, on cherche et par les concepts, on trouve. Mais dans l'autre sens, rien ne fonctionne. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, moi, qui me contactent, me disent « Vous avez mis de l'explication sur quelque chose que je ressentais profondément. » Et aujourd'hui, on a l'impression que les intellectuels officiels n'ont, comme disait... De Gaulle à propos de Giscard, n'ont plus d'antenne. C'est-à-dire qu'ils sont complètement coupés de l'intuition et de la sensibilité réelle, et par-dessus, il plaque un espèce de discours pseudo-intellectualisant. Et je pense que le maximum de cette dégénérescence, ça serait de la Caroline Fourest, ou les intellectuels qui sont derrière le gauchisme adolescent, hein, qui consiste... Il y en avait un qui était très fort pour ça, c'était le petit animateur chez Ruquier, là, qui est parti, là, Monsieur Broching, Caron, qui disait quels sont vos chiffres ? Genre, il n'y a pas d'immigration en France, la population française n'a pas changé depuis les années 60. Et moi, j'ai un petit con comme ça, j'ai envie de le prendre par l'oreille et puis de l'amener simplement porte de bagnolet. Tout simplement. Quoi. Et lui, il n'avait même pas compris qu'il ne fallait pas être pro-palestinien, quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est un peu comme mon... C'est un naïf. Comme le type avec qui j'avais écrit le bouquin, la Nolo, c'est des types, ils sont bêtes, en fait, au sens goy, ils sont gentils. C'est des gentils. Hein. Oui, c'est des gentils. C'est des gentils. Hein. En fait, c'est tout ce qui reste de l'abstraction et du concept et de la théorie, parce que l'intellectualisme, pour le coup, c'est le monde de la théorie. C'est tout ce qui reste. Il ne reste plus que l'esthétique au bout. Quoi. Il reste que la coupe de cheveux de 40. Le maximum étant le jargon, le jargonnage. Il ne faut pas oublier que nous, Français, sommes les champions du monde du jargonnage, hein, avec les Derrida, les Barthes, deuxième période. On a produit quelque chose dont on peut être à la fois fier et en même temps honteux, qui est le sommet de la sophistication et en même temps de la dégénérescence de la figure de l'intellectuel, c'est-à-dire un type qui produit du vent et du sophisme, oui, bien sûr, et en dernière instance pour le système de domination capitaliste. Et ça, quand on étudie la façon dont l'intellectuel a évolué depuis le 19e siècle jusqu'aux années 70, parce que maintenant on s'en passe complètement. En fait, il est allé tellement loin dans le futile qu'aujourd'hui, en réalité, on voit bien avec l'effondrement de la presse sérieuse qu'on n'a plus besoin d'intellectuels aujourd'hui. On a besoin de types qui ont fait des écoles de gestion, des masters aux États-Unis, mais on n'a plus besoin d'un Derrida, on n'a plus besoin d'un Foucault, on n'a plus besoin d'un Lacan, on ne sait même plus qui c'est, alors que c'est des gens qui dominaient la scène pensante française jusqu'à l'aube des années 80. Deleuze, Guattari. Oui, tout ça. Mais ces gens-là, finalement, ont disparu, mais je veux dire, ça a un sens. Ils se sont en réalité... avec un coup de retard, se sont suicidés en réalité. Ils ont eux-mêmes abandonné totalement le terrain, ils se sont totalement disqualifiés, je dirais, a posteriori. En fait, c'est ça qu'on sait aujourd'hui. Moi, je vois, je suis d'un âge un peu plus avancé que le vôtre. De mon temps, pour pouvoir parler, il fallait connaître Lacan, les structuralistes, Barthes, Deleuze, Guattari, effectivement, Marx aussi, mais Marx relu par les Freudiens, c'est-à-dire un Marx complètement dévalué, etc. Aujourd'hui, ce n'est même plus la peine. C'est-à-dire que c'est comme batteur dans le rock'n'roll. Il y a des boîtes à rythme, ça ne sert plus à rien. Et un type qui se serait fatigué à étudier tout ça à l'école des hautes études en sciences sociales, aujourd'hui, il est même chômeur sur le plan du journalisme, parce que ce jargonnage sophistiqué, complètement déconnecté du réel, qui est tombé totalement dans l'idéologie du désir et dans le narcissisme, finalement, c'est auto-détruit et est sorti de la scène et a été remplacé par ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on peut penser qu'Onfray est un intellectuel. C'est-à-dire que, ou Michéa, c'est-à-dire que ces types-là paraissent de très très haut niveau, alors qu'en fait, ils sont simplement au niveau moyen de la discussion intellectuelle des années 70. C'est la comparaison avec Marcela Yacoub et Caroline Fourest qui fait d'eux des cadors de la pensée. Oui, voilà, oui, on en est là. Et ça donne effectivement l'effondrement de toute l'intellectualité. Pas l'intelligence française, parce que justement, c'est ce qu'on voudrait sauver, c'est un peu autre chose, mais l'effondrement justifié et moralement, comment dirais-je, sain de ces jargonneurs qui ont impressionné le monde entier au niveau de... Enfin, pas les hommes d'affaires, hein, mais les étudiants et les enfants, les cadets de la bourgeoisie, parce que les anglo-saxons, eux, n'étaient pas dans ce truc-là. Et ça a été, en fait, le sommet de... Ça a beaucoup à voir avec Voltaire, hein, l'esprit français. Vous voyez, il y a l'intelligence française, ça serait Rousseau, d'une certaine manière, une espèce de courage moral et de virilité dans l'explication des choses. Et puis Voltaire, qui est le côté brillant, et qui, en fait, qui est la catastrophe française, hein, c'est-à-dire le jargon au service du mondain, avec l'illusion et l'apparence du sérieux. Kluskar était très fort quand il avait fait cette distinction, le frivole et le sérieux. C'est fondamental, voilà. La France s'est effondrée dans le frivole et on subit totalement, finalement, le sérieux de la domination économique anglo-saxonne. Il faut voir le regard des jeunes étudiantes qui regardent les séminaires de Lacan ou l'ABCDR de Deleuze, qui est interviewé, je crois, par sa maîtresse, qui est beaucoup plus jeune que lui. Il s'est quand même suicidé, hein, à la fin. Il s'est défenestré. Hein. Il y a quand même une morale, hein, dans tout ça. Hein. Elle tue sa femme. Et Barthes s'est fait écraser par le bus une fois que sa mère est morte, parce qu'il avait passé toute sa vie dans le même appartement avec sa mère. Il faut voir, c'est des détails comme ça. L'éternel retour du concret. C'est fondamental de voir à quel point ces gens étaient des virtuoses de quelque chose d'infinitésimal et qui cachaient en fait une très très grande légèreté qui pouvait avoir beaucoup de charme, mais un charme, je dirais même très féminin, et qui fait qu'aujourd'hui, on ne pèse plus rien, même en, je dirais même en, sur le plan de la géopolitique, hein, on ne pèse plus rien nulle part. C'est-à-dire qu'il ne reste de la France aujourd'hui que la cuisine, le vin et les sacs à main. Enfin, tout le reste, là, ça a été. C'est la faute, effectivement, de tous ces intellectuels que dénonçait déjà Sorel dans Les Illusions du Progrès. Et il faut bien revendiquer l'intelligence française contre l'intellectualisme jargonneur de la gauche, parce que c'est nous les champions de la gauche universelle, qui est derrière toutes les catastrophes théoriques. Même, il ne faut pas oublier, même si je n'irai pas trop loin dans cette comparaison, parce que c'est un autre sujet, mais par exemple un Pol Pot formé à la Sorbonne, vous voyez. C'est les des dangers du jargonneur quand on lui donne en plus le pouvoir politique. Ça peut en plus être... Foucault, homosexuel militant, faisant l'apologie du régime des Mollahs. On était dans quelque chose de très étrange qui, en fait, a nécessairement disparu à partir des années 75 pour soumettre totalement la France d'aujourd'hui, en fait, d'une certaine manière, à la virilité pragmatique anglo-saxonne. C'est-à-dire que c'est l'hypocrisie du système qui nous vend soi-disant de la théorie parfaite, mais derrière se cache effectivement une certaine réalité matérielle. Et aujourd'hui, le système se passe de plus en plus du théorique. Quoi. Oui, c'est comme des spots publicitaires qui ne seraient plus nécessaires pour vendre un produit qui fonctionnerait tout seul. Quoi. Et la France aujourd'hui... Ça peut être inquiétant sur ce qui nous attend. Hein. Les sacs à main, ce que vous disiez, la bouffe, incarne finalement le monde bourgeois, alors que l'esprit français est en rupture... L'esprit français, c'est l'alliance de la théorie et de la pratique. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que Proudhon l'incarnait parfaitement, parce que c'était quelqu'un dans le concret, dans le sérieux, de viril, qui venait du monde paysan. Voilà, c'est l'antithèse absolue de ce qu'on nous propose maintenant, de tous les gens dont vous avez parlé avant. Et Alain, égalité et réconciliation dans tout ça? On essaye de sauver l'honneur et comment dirais-je, de renouer avec une certaine tradition, où justement on a un pied dans l'analyse sérieuse, on a un pied aussi dans l'organisation et la survie pratique, puisqu'on essaye effectivement de produire une économie solidaire, sachant très bien que l'économie et le politique sont profondément liés. Alors que par exemple, justement, tous les intellectuels dont on parle sont tous des fonctionnaires d'État ou des gens qui dépendent entièrement du pouvoir politico-économique et pensent très naïvement qu'ils ont leur compte à soi, leur indépendance totale, et ne réfléchissent jamais que si on les laisse agir, ça donne un peu aujourd'hui l'extrême gauche. Si l'État les laisse agir, l'État et le patronat, c'est qu'ils sont sans danger pour l'État et le patronat. Parce qu'en réalité... Il y a une loi fondamentale, c'est que le pouvoir ne vous paye pas pour que vous puissiez efficacement lutter contre lui. Mmh. S'il vous paye, c'est que vous ne luttez pas contre lui, mais que vous travaillez pour lui. C'est la phrase « qui te paie ?»« D'où parles-tu, toi ?» Et nous, on est dans ce sérieux-là. Et on est systématiquement attaqué, d'ailleurs, par les gauchistes d'État. Je vois récemment, là, je suis passé à la question sur Radio Beurre, je suis passé à la question par Street Press. On a derrière Soros... Fondation Rothschild, Radio Shalom, le Parti Socialiste. Enfin, vous voyez, et on se fait, comment dirais-je, moi je me fais traiter en gros à la fois de charlatan, d'arriviste, d'épicier, par des gens qui sont censés parler de nulle part, enfin, ou d'au-dessus, et qui sont des purs agents de propagande du pouvoir économico-politique. Tout le système qui a été mis en place, le système de gauche qui a été mis en place depuis des décennies, rend difficilement compréhensible cette réalité, pourtant très simple, très mécanique, par la jeunesse. Mais bon, on arrive quand même à éveiller des consciences, mais je pense que le truc le plus symbolique, c'est le bouquin qui vient de sortir sur moi, là, chez Street Press, c'est Alain Soral, décryptage d'un facho business. En fait, on me reproche... de m'être donné les moyens de mon indépendance intellectuelle par une indépendance économique, et qu'effectivement, en appelant ce business facho business, mes ennemis reconnaissent que c'est un business qui n'est pas autorisé par le pouvoir politico-économique. Hein. Ça veut dire que c'est un business qui n'est pas validé par le CRIF. Voilà, c'est négativement, si on réfléchit, ça dit tout, en réalité. Hein. Ça dit tout ce qu'il faut faire et tout ce qui inquiète et agace le système dans ce que je fais. Hein. Et ça renoue effectivement avec une authentique virilité où le concept n'est jamais découplé de ses conditions de possibilité matérielle. Hein. Et j'insiste bien pour pas tomber dans le vieux combat matérialisme-idéalisme, c'est que c'est les concepts et leurs conditions matérielles de production s'engendrent réciproquement. Hein. Les idées influent sur la matière et la matière influe sur les idées et il y a engendrement réciproque. C'est pour ça que c'est pas la peine de s'engueuler, de savoir si ce sont les idées qui mènent le monde ou la production matérielle. C'est un faux débat, voilà. Mais en tout cas, nous, on est dans cette unité dialectique, c'est-à-dire que on se donne les moyens de notre indépendance économique pour avoir la liberté d'intelligence, et notre liberté d'intelligence nous permet aussi de trouver des pistes pour l'indépendance économique. Et c'est pour ça que l'ennemi, quelque part, nous redoute et nous respecte. Parce qu'en fait, ce que je remarque, moi, sous ce tombereau d'injures, c'est qu'il y a beaucoup de respect pour ce qu'on fait, parce qu'on fait réellement ce que les gauchistes pensent qu'ils font dans leur infinie naïveté ou rêveraient de faire. Hein. Vous êtes partout désormais, on vous voit dans les articles de journaux, à la télé, votre nom est évoqué, parce qu'il y a eu une période où fallait pas en parler, vous n'étiez jamais évoqué nulle part. Aujourd'hui, par exemple, dans la série d'articles sur Michel Houellebecq, votre nom a été cité. Ah, je suis, il y a moi que je vous cite à chaque émission. C'est. Il y a eu la stratégie de l'Edredon. Quand le système a compris que j'étais, je dirais, un peu incontrôlable et qu'il ne pourrait pas me réintégrer dans ce qu'on appelle les animateurs du procès de consommation, ce qu'on appelle les intellectuels version post-80, et ben, ils ont fait une première stratégie qui est la stratégie de l'Edredon, c'est-à-dire t'es viré et on nie que tu existes, tu n'existes plus. Donc là, ça a été à moi d'essayer de... À un moment donné, quand j'ai écrit « Chute », hein, éloge de la disgrâce, ça veut bien... Bon, si on regarde mon œuvre littéraire, qui est mon œuvre livresque, qui est niée par l'ennemi. L'ennemi dit que j'existe par Internet, par des vidéos. Ce qui nie à chaque fois, donc c'est ce qui les gêne, c'est que j'ai une œuvre, 14 bouquins, de 84 à aujourd'hui, qui sont très cohérents. Hein. Et à un moment donné, quand j'ai été sous l'Edredon, comme par hasard, j'ai sorti un roman à clé qui s'appelle « Chute, éloge de la disgrâce », qui est l'histoire d'un journaliste qui ne peut plus faire de journalisme et qui accepte à la fin d'ailleurs un suicide à la Mishima, à seppuku, dans un backroom. Et en fait, pour ceux qui me liront dans 20, 30 ou 50 ans, ils verront que voilà, j'ai fait mon boulot d'intellectuel, moi. C'est-à-dire que j'ai décrypté le réel, ses dérives, par tous les moyens qui étaient à ma disposition, la métaphore littéraire, le concept, etc. Mais à cette époque-là, pour finir sur ce qu'on disait, quand j'ai sorti ce bouquin, j'en ai vendu 5 000. Alors qu'avant, je vendais 30, 40 000 parce que le système m'avait fermé tous les robinets de promotion. Et c'est là que je me suis posé la question. Un type, par exemple, comme Onfray, qui prétend critiquer le système, est invité sur tous les plateaux. S'il critiquait le système un peu plus efficacement, on ne l'inviterait plus. Il se poserait alors la question pour lui de comment continuer à être entendu du public. Et là, il serait obligé de mettre des dispositifs en place, qui serait d'ailleurs le prolongement, sans doute, de son université libre de Caen, là, parce qu'il a déjà un pied dans le soralisme. Hein. Et il serait obligé d'aller jusqu'au bout, et jusqu'au bout, c'est jusqu'à moi. Hein. Voilà, en fait, c'est juste un type à la fois qui voit qu'il y a un espace à occuper, parce que cet espace m'est interdit. En fait, il fait le méchant de service. Hein. C'est-à-dire, c'est un animal dans une cage, hein, faut bien comprendre, pour effrayer les enfants et faire se crier les pucelles. Et puis il y a le vrai méchant, voilà, c'est le type qui lui n'a plus droit au débat dans l'honneur, c'est-à-dire on lui donne la parole. Moi je suis massacré, mais c'est plutôt bon signe parce que si on regarde les personnages, par exemple, si on regarde les personnages massacrés de l'histoire, ce sont souvent, quand on s'intéresse à l'histoire profonde et sérieuse, les plus intéressants. Déjà, quand j'étais jeune, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de rue Robespierre à Paris. Il y avait juste une impasse à Montreuil, par exemple. Alors qu'il y avait, que tous les traîtres de la Révolution avaient des ponts, des avenues, des boulevards dans Paris. Il n'est pas au Panthéon, non. C'est pour ça qu'il y aura une impasse Michel Onfray, il n'y aura peut-être pas de rue Soral. Quoi. On peut espérer. Hein. De toute façon, on fout un peu, hein, parce que... c'est pas ce que je cherche, mais enfin... Ce genre de discussion qu'on a là, ça devrait être des discussions qu'on devrait entendre sur France Culture. Or non, c'est entièrement verrouillé. Toutes les conférences de Michel Onfray sont relayées sur France Culture. Il a des pages entières dans Le Point. Il est absolument partout. Il est une heure, on n'est pas couché. Et on voit bien que aujourd'hui, c'est l'anti-Finkielkraut. Oui. Hein, si on veut bien réfléchir comment le système fonctionne d'équilibre comme ça pour faire une offre de gauche et une offre de droite... Pour éviter que les gens s'intéressent trop à moi, il faut qu'il y ait une offre Canada Dry, parce que sinon, ils sont obligés de boucher le trou, parce qu'ils se disent, s'il n'y a pas Onfray, les gens vont aller vers Soral, parce qu'il y a un déséquilibre, il y a un trou. Donc on voit bien que le Onfray, là, pour rééquilibrer le Finkielkraut. D'ailleurs, ils s'attaquent à BHL, ils s'attaquent pas à Finkielkraut, parce que ils vont se retrouver sur du néo-barécisme assez facilement. Il y a aussi une remarque, parce que j'en profite. En ce moment, on a le grand remplacement qui réellement se met en place, avec les pseudo-syriens. On n'entend pas Finkielkraut. S'il était cohérent, il devrait appeler à fermer les frontières et à tirer à vue sur les migrants. Pourquoi ne le fait-il pas? Bonne analyse. Hein, je vous laisse conclure. Il faudrait peut-être que, si vous voulez écrire au journal, comme on dit, si vous voulez écrire, donnez vos réponses, on publiera les meilleurs. On met dans les commentaires. Quand ils le ressortiront, il faudra se poser des questions aussi. Toi, Xavier, tu voulais nous parler de la revue Faits et Documents. Je crois savoir qu'un numéro va sortir prochainement. Bah oui, Faits et Documents donc reparaît avec dans la continuité du travail d'Emmanuel Ratier, avec toutes les rubriques, donc la rubrique portrait, la rubrique dossier, deux pages d'analyse politique, une page de vidélobby, deux pages de kiosque sur l'actualité culturelle et une page de politiquement correct. Donc nous sommes une petite équipe de rédaction et donc ce numéro sera disponible. Bon, pour les abonnés, vous le recevrez. Pour les non-abonnés, c'est encore le moment de vous abonner. Et sinon, on sera disponible à la librairie Facta et évidemment sur le site de Contre-Culture. D'accord. Et comment on fait pour s'abonner exactement? Il y a un site fait documents sur Internet. Chers auditeurs, je rappelle le titre du livre de Pierre de Brague, Les cahiers du Cercle Proudhon, édité aux éditions Contre-Culture. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bah, je passe le bonjour à nos camarades d'égalité et réconciliation avec lesquels on a fait le séminaire des cadres ce week-end. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à tous les militants. Et puis par extension, bonjour à tous les sympathisants de R qui subissent le système et auxquels on espère réconforter un petit peu. Merci Alain d'être passé également, nous voir. Oui, bah là c'était au saut du lit. C'est pas vraiment mes horaires. C'est pour ça que j'avais l'esprit un peu embrouillé. J'espère que ça s'est pas trop senti. D'accord, alors chers auditeurs, j'annonce d'ores et déjà l'émission suivante. Nous recevrons lundi prochain Marion Sigaud. Nous parlerons de la naissance de la République française. Nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de l'artiste contre-culture Lamota. Son album s'appelle Bande originale et est disponible en téléchargement sur le site contreculture.com. Le morceau s'appelle A Ghost from the Past. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.